danse des lutins. Choisissez tout près de vous une fille qui vous sourit. Prenez-la par la main et faites un pas plus loin. Mais tu ne vois donc pas que je n'en peux plus. Je préfère rentrer et me mettre au lit. Pour une toute première fois, disons que c'était pas mal. On recommence tout de suite, mais deux fois à la suite. Retournez sur vous-même, tapez du pied, c'est ça qu'on aime. Élevez les bras bien haut, asseyez-vous aussitôt. Puis marchez comme les noirs, les lutins dansent comme ça. Retournez sur vous-même, tapez du pied, c'est ça qu'on aime. Note, c'est normal, hein. Je suis tout de même le meilleur danseur de toute la troupe des lutins. Cette fois, écoutez bien, on se reprend par la main. Attention, comptez vos pas, la danse fait.